Le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté la fabrique des articles en plastique de consommation courante des militaires blessés d'honneur de Ranglang. Il a été accompagné du Premier ministre Park Bong-joon, membre de la commission permanente du bureau politique du Comité central du Parti du Travail de Corée et vice-président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, du vice-premier ministre Lee Jo-hong, du chef de département du Comité central du Parti Ahn Jong-soo et du chef adjoint de département du Comité central du Parti Cho Yong-won. Serrant les mains des officiels de l'usine, le dirigeant suprême leur a demandé cordialement si les militaires blessés d'honneur se portent bien et qui n'ont pas d'ennui dans la vie. Et il a dit qu'il est venu pour encourager les militaires blessés d'honneur qui travaillent bien dans le nouveau poste pour l'amélioration de la vie du peuple avec le patriotisme manifesté au cours de leur service militaire. Après avoir écouté l'explication devant le panorama de l'usine, le dirigeant suprême a fait le tour de la salle d'éducation aux faits révolutionnaires et de la salle d'historique. Il a indiqué que l'usine, autrefois une petite unité de production de quincaillerie simple équipée de quelques machines, fondée en octobre 1970 où s'était tenu le 5e congrès du Parti du Travail de Corée, se trouve aujourd'hui à la tête de tout le pays et que cela est impensable sans la direction et la sollicitude méticuleuse du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Et il a observé un bon moment la photo du général Kim Jong-il qui examine les produits lors de sa visite à l'usine en octobre 2011, dernière période de sa vie. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a fait le tour de divers endroits de l'usine pour se renseigner en détail de l'état de production. En regardant un à un les produits de l'usine, il a apprécié le nombre d'espèces variées et leur utilité et complimenté le style de travail des militaires blessés d'honneur. Il a ajouté que l'usine des articles en plastique de consommation courante des militaires blessés d'honneur de Ranglang est le modèle exemplaire dans l'entretien des équipements et qu'il faut la présenter largement dans tout le pays pour apprendre auprès d'elle. Ensuite, le dirigeant suprême a visité l'établissement de services publics et la salle de vulgarisation des sciences et techniques nouvellement aménagée. Il s'est montré content du plan, de la construction et de l'excellent aménagement de l'établissement de services publics composé des salles de bain publiques, salons de coiffure, salles d'entraînement physique pour établissement et autres, à l'intention du personnel de l'usine qui en serait bien joyeux. Le dirigeant suprême a indiqué qu'il n'y a rien à épargner s'il s'agit pour les militaires blessés d'honneur être précieux du pays et qu'il faut bien veiller à leur vie pour qu'ils remplissent leur mission en bonne santé. Et il a appelé toutes les organisations du parti à soigner les militaires blessés d'honneur de tout cœur, tout en le considérant comme leur obligation et devoir. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a souligné qu'à travers sa visite à l'usine, il a pu constater une fois de plus que les militaires blessés d'honneur s'efforcent toujours pour la patrie et le peuple, tout comme pendant leur service militaire, selon la volonté du parti consistant à ce que la fleur de la révolution doit être toujours dans tout l'épanouissement de sa beauté, avant de se faire photographier en souvenir avec eux.